De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bla bla bla. T'inquiète pas, t'inquiète parce que pas. J'hésitais à ce que je le fais, ce que je le fais pas, et finalement je l'ai pas fait. Non, non, mais t'as eu raison, parce qu'en plus en vrai c'est un peu un épisode particulier. Parce qu'en fait, à la toute basse, tiens vas-y installe-toi, hein, tu peux mettre les casques. Hop. À la toute basse, c'est un peu une émission plus... Déjà, est-ce vraiment une émission? C'est plus un peu plus bordélique, et là je voulais tenter un truc un peu différent. Un petit peu plus discussion à la cool, voilà, parce que je trouvais ça plus sympa. Parce que le bordel, c'était... Le bordel est très bordélique, et je savais pas si j'assumais tout de ce bordel. Mais je veux pas te faire changer tes habitudes. Non, non, non, mais justement, en fait, c'était un peu une nouvelle formule que je voulais tenter, justement, à ce niveau-là. Puisque je voulais effectivement faire un truc juste où discuter avec des gens dont j'aime bien le travail. Et ouais. Du coup, le podcast me le permet, parce que vu que je suis quelqu'un de très timide dans la vie et que j'ose pas trop, on s'est croisé 2-3 fois, ouais. Mais je sais pas quoi dire, c'est toujours un peu nul. Enfin, je sais vraiment, j'ai pas les codes de ça. Et je me suis dit, ah bah cool, une émission de podcast au moins, ça donne une vraie raison et puis ça peut peut-être intéresser des gens. Ouais. Donc je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de t'inviter. En tout cas, il y a des gens qui sont contents, donc je suis content aussi. Parce que j'ai annoncé que tu venais sur... C'est sur pas un live. C'est pas un live. Ah, non, okay. Non, je te rassure. Voilà, non, tout est enregistré et tout est montable. Donc, okay. Il faut que tu saches que vraiment, on va parler de choses, mais qu'en soi, à la fin du podcast, vraiment, tu peux me dire « Ouais, ça, pas ouf et tout. » On peut couper absolument tout ce qu'on veut. Sache que je le fais très souvent. Voilà, je coupe souvent des trucs. En tout cas, merci d'être venu. Merci beaucoup. En fait, tu m'as invité... En fait, je me suis réinvitée. Non, mais t'as eu raison. Parce que j'avais pas pensé à te relancer. C'est vrai que ça fait quelques mois, je crois, que je t'avais envoyé une invitation. Et puis, t'as eu 1000 projets. Et puis, t'as fait beaucoup de promos autour de ces 1000 projets. Ouais. Et du coup, je préfère que tu viennes si c'est un peu plus calme. Je sais pas, ça se trouve, c'est pas forcément plus calme. Bah, je sors un livre en mars. Mais... D'accord. Mais ça va, t'as pas trop commencé la non, promo alors, et tout. C'est tout frais. Bon, cool. Je trouve ça plus cool que tu viennes, du coup, sans être. Sans avoir dans les pattes une tournée ou des trucs comme ça et tout. Et merci d'être venu, parce que tu es venu tôt ce matin, parce que nous on est le matin. Les gens ils écoutent un peu ça quand ils veulent, mais nous on est le matin. Et merci d'être venu si tôt. Moi je t'avais entendu sur Nouvelle École et j'avais. En fait, je te connaissais pas. On va parler de toi en fait. Non, non, mais. Mais je te connaissais pas très très bien et en fait j'ai été hyper touchée. Enfin, du bonhomme, quoi. Ah, donc, c'est je gentil. Me suis dit, il faut que je relance son invitation. Ben non, parce que ça m'intéressait beaucoup. Parce que moi aussi, effectivement, je suis ton travail depuis, pas le début, mais depuis longtemps. Quand tu faisais Solange je te parle avec juste un mot et que tu avais une chronique. Ça fait longtemps. Ouais, c'est 2011, je crois, ouais, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, les débuts. Et j'ai suivi un peu depuis. Et malheureusement, je vieillis sur Internet sans vouloir être un vieux con. Mais du coup, je me connais moins dans certains contenus et je continue à apprécier ce que tu fais, ce qui est rare sur ces temps sur Internet de continuer à suivre une chaîne. Donc je suis très content que tu viennes. C'est pas vraiment une interview parce qu'en fait, je sais pas trop faire. C'est plus une discussion autour de trucs. J'ai noté des trucs qui m'intéressaient et tout, mais on va le faire un petit peu chronologiquement. Ouais. Si ça te dérange pas. Je peux te poser des questions aussi, tu moi. Tu peux aussi. On peut vraiment, c'est vraiment très libre. C'est vraiment très à la cool. Je voulais revenir, justement, commencer par le début, à la limite. Solange, je te parle, quand tu parlais d'un mot, donc c'était les premières vidéos qu'on a vues de toi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Je vais essayer d'éviter les questions qu'on te pose souvent, parce que j'ai écouté aussi ton Nouvelle École, que j'ai trouvé très cool et qui déjà englobe plein de choses. Donc, je ne vais pas forcément te parler YouTube Game, façon de travailler, tout ça, mais j'aimerais juste savoir à la toute base, juste ce besoin de s'exprimer sur YouTube, pourquoi ce format-là, ce genre de choses. Moi, c'est ce que j'appelle l'abécédaire au début, parce D'accord. que je prenais une lettre et je faisais une vidéo par lettre. En fait, je suis comédienne. En fait, je ne vais pas te faire toute la genèse depuis la naissance, mais donc je suis canadienne et... J'ai abandonné des études d'histoire de l'art et quand je suis arrivée en France, j'ai fait le cours Florent, j'ai raté plusieurs fois le conservatoire d'art dramatique et donc j'avais un grand besoin d'expression. Et donc j'avais commencé à faire des vidéos à destination des galeries Et n'ayant pas ni le réseau ni les compétences sociales pour diffuser mon travail, je suis tombée sur une vidéo de Norman, en fait. Et je me suis dit, pas tant « Ah, j'adore ce qu'il fait », mais plus « Ah ouais, c'est malin, c'est une vitrine hyper démocratique depuis chez soi, tu peux faire ton petit spectacle intime ». Et là, je me suis dit, je sais à peu près ce que moi j'ai envie de raconter, en fait. C'est, j'ai envie de dire ma solitude, mon inadaptation. Je savais qu'il fallait que ce soit court, que ce soit un peu drôle, un peu décalé. Formellement, c'était assez art vidéo, un peu arty, un peu... Ouais, d'ailleurs, ça me prenait du temps. C'est pour ça que j'ai un peu adapté mon style. Et donc voilà, c'est venu en fait d'un besoin d'expression et peut-être d'exhibition. Mais tu parles d'adapter ton style. C'est vrai que je les ai du coup un peu re-regardés. C'était très écrit. Je dis, non pas que ce soit moins écrit aujourd'hui, mais ça paraissait en tout cas plus écrit, moins spontané, mais en tout cas très, très travaillé, comme des petites chroniques. En fait. C'est drôle parce que je n'ai jamais écrit pratiquement, genre il y a 1% de mes vidéos qui sont écrites, mais non, c'est un principe d'écriture devant la caméra, genre je laisse tourner, je laisse surgir les phrases, et il y a un verbe, il y a un pronom, et je répète, et j'ajoute un adverbe, et je répète, et j'ajoute un adjectif, et ça peut durer 40 minutes comme ça, donc les phrases, elles s'écrivent devant la caméra. Ah, c'est drôle, donc c'est un peu au montage, en fait, que ouais, tu réécris en fait, le truc. Oui. D'accord, c'est super, je pensais vraiment que c'était écrit beaucoup plus. Et donc, tu as fait ça pendant une assez longue période, tu as fait 16 vidéos, en tout cas, ouais. De ça, et après, tu... Enfin, quand on regarde ta chaîne, on voit que tu as un peu, pas disparu, mais tu as un peu peut-être bougé, puisque tu as fait de la radio à un moment. Ça. Donc, c'était un exercice un peu similaire, mais différent. Comment t'es passé d'un truc, effectivement, chez toi, à ce moment-là, où il faut après travailler avec une maison de production, des gens à qui tu dois un peu rendre des comptes, même une deadline assez régulière. Ouais. Tu te mettais des deadlines sur tes vidéos ou pas spécialement ? J'essayais, mais tu sais, comme c'est quand t'es tout seul, t'es dans le flou, quoi. Oui, tu peux facilement dire, ils vont pas gueuler si c'est deux jours après. Ou même, tu te mets des pressions pas possibles sur il faut que ce soit parfait, et, ou alors il faut que... t'es un peu perdu tout seul, quoi. Et donc, du coup, quand t'es passé à la radio, est-ce que c'était pas, du coup, une trop grosse pression ? Est-ce que c'était pas... Surtout que c'était France Inter, quand même, je crois. Ouais, mais ce qui était cool et qui ne serait plus possible maintenant, je crois que c'était avec ce qu'ils appelaient le pôle Nouveaux Médias. Et en gros, ils m'ont tout laissé faire toute seule. D'accord. Donc, j'avais des échéances, oui, mais je n'ai pas travaillé avec les équipes et les studios. J'ai tout fabriqué depuis chez moi, ce qui était vraiment le kiff, parce que c'est là où je suis le plus à l'aise. Ouais. À un moment, j'avais rencontré... un monteur, un ingé son et tout, et c'était vraiment compliqué et long. Les pauses, faut allumer les machines, faut que tu racontes, faut que tu... T'as pas le droit de toucher, c'est... Ah non, j'aurais été folle à travailler avec leurs équipes, et donc j'étais totale liberté, avec des échéances, oui, mais super souple. Donc, et après, tu es revenue, du coup, enfin, tu es revenue. Tu tournais déjà un peu le film, d'ailleurs, à ce moment-là ? Est-ce que ça a commencé un peu C'était en parallèle, j'ai lancé la campagne Ulule. D'accord. Oui, la radio m'avait un peu éloignée de YouTube et je suis revenue en fait avec la campagne, à l'autre. Oh, les dates, c'est pas intéressant, mais. Non, mais parce que le film, peut-être pour les gens qui le savent pas, tu l'as tourné sur pas mal de temps en fait. Non, en fait, sur 3 semaines. Ah, sur 3 semaines. Mais c'est la post-prod qui a pris un temps fou. D'accord. Comme on n'avait pas d'argent, on avait des partenaires prestataires, mais qui, du coup, nous aidaient quand ils pouvaient. Oui, c'est donc ça. C'est ça qui a pris un temps fou, en fait. Parce que les gens ont pu le découvrir l'année dernière, en 2017. Mais... Oh, c'était 2016, 2016 déjà. 2016, pardon. Ça fait 2016, deux ans, ouais. Ça me fait flipper, tout simplement. c'était bien en amont que tu travaillais ce ouais, film. Oui, c'était 2013. Mais c'est en ça. Fait, la post-prod a mis 3 ans, quoi. Le D'accord. montage, on a mis 2 mois à monter. Enfin, le film était prêt. Genre 2 mois après le tournage, et en fait c'est la post-prod qui a mis un temps fou. D'accord. T'as bien bossé la post-prod, quoi, on peut dire. Après, j'avais des productrices un peu classiques dans l'esprit, donc elles avaient envie de chiader vraiment l'image. Elles avaient raison, tu vois, on a fait une musique originale. Qui est ouf, d'ailleurs. Ouais, qui est super, très de David Stank, Tahiti Boy. Ouais. Et ouais, je sais pas, enfin, l'étalonnage a mis beaucoup de temps, les génériques, j'avais un tout petit peu d'effet, pas grand-chose, mais... ouais, je sais plus. Ah, puis on a dû, ouais, trouver quand même de l'argent. On a trouvé un mécène qui nous a aidé à boucler, parce qu'il fallait le visa. Donc, après, il y avait des histoires d'argent aussi qui ont tardé. Et du coup, j'ai tourné l'automne et dès l'hiver 2014, je me suis remise à YouTube. C'est ça. En faisant une vidéo par jour pendant 30 jours pour pouvoir vraiment rompre avec mes espèces de carcan arty que j'avais sur l'ABCDR. J'allais y revenir justement sur cette vidéo par jour, ouais. Début 2014, je crois que c'est en janvier, dès le début d'année, tu t'es mis une pression, ouais, c'est ça, dès le début quoi. Et qu'est-ce qui est, parce qu'il y a presque un truc de, enfin faire une pause assez longue de YouTube et revenir avec une vidéo par jour, c'est vrai qu'il y a vraiment un côté coup de fouet. T'avais un peu préparé ou vraiment au jour le jour tu disais, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Mais tu sais, j'étais minus, j'avais eu de la presse, j'avais eu beaucoup de presse, mais genre j'avais 3000 abonnés à l'époque. D'accord. Ce qui est rien. encore plus aujourd'hui, mais bon, j'avais pas en gros grand-chose à perdre. C'était en janvier, donc il y avait un côté résolution, oui, allez, générosité, je vous en balance tout plein. Et je pense que le film, en fait, le tournage d'un long-métrage, même si c'était une toute petite économie, ça m'avait frustrée. Dans le côté perdre possession, devoir déléguer, devoir tout expliquer à des gens, alors que d'habitude, genre, j'avais pas besoin de m'expliquer à moi-même, je faisais, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, il fallait que je me réempare d'un outil, que ce soit spontané. Et tu dis si c'est trop... Est-ce que c'est trop formel comme interview ? Non, t'inquiète. Que les gens, ils sont encore là ? Parce que justement, je voulais te poser la question... Parce que moi, c'est un truc que je vis aussi. Donc, ce côté, quand tu as voulu faire le film, tu parles, et qu'après, tu es revenu à une vidéo par jour, il y avait un peu ce côté, effectivement, comme tu dis, délégué. Est-ce qu'il y avait aussi le côté, ça prend du temps, un peu, un film aussi ? Ouais, c'est clair. C'est ça ? Et moi, c'est vrai que c'est le truc, et j'ai l'impression que, pour parler avec d'autres gens qui font un peu nos métiers, c'est un peu le truc qui est compliqué sur le passage à un autre média qu'Internet, c'est, oh là là, il faut attendre tout ce temps pour revenir à, pour que les gens voient ce que j'ai créé. Est-ce que ça, tu penses que les gens comme toi, comme moi ou les autres, des gens aussi différents que ce que tu peux faire ou même des trucs très populaires comme Norman, Natou, tout ça, est-ce que tu penses que c'est une transition qu'on va réussir à faire ou est-ce que tu penses qu'on va tous être un peu frustrés de ce truc? C'est une super bonne question parce que moi, je sais que toi, tu as envie de faire un film. Et moi, j'avais cette envie-là aussi. Après, tes ambitions sont vraiment différentes de les miennes Et je pense que le cinéma qui te fait rêver, il est aussi très différent. Il est très cher. Ah ouais. Et je ne sais pas où t'en es de ton film, mais il est peut-être cher. on peut se dire ça. On peut utiliser le mot cher. Et en fait, moi, je suis hyper contente. Bon, ça collait avec moi, mes standards. J'aime bien les films où il se passe rien. Enfin, dit comme ça, c'est pas hyper vendeur. Mais moi, je suis vraiment dans des esthétiques DIY, minimal, intimiste, auteur. Ouais, débrouille et petit film artisanal maison, quoi. Et donc, moi, je suis hyper contente d'avoir pu le faire et de me dire, en fait... Je ne dis pas que je ne ferai pas de film après, mais je suis contente de l'avoir fait vite. Parce qu'entre Ulule, c'était août, j'ai tourné en octobre, tu vois. Et, le film est insensé pour les gens qui ne connaissent pas les trucs de cinéma, mais c'est vrai que c'est insensé, c'est très rapide. Et genre, le film, on l'a fait avec, je ne sais pas, 50 000 euros, tu vois. Ouais. Mais les trois quarts de ça, on les a eus après le tournage. Et donc... En fait, ça m'a replacé le fantasme au bon endroit. Quand j'entends beaucoup de youtubeurs dire qu'ils veulent faire un film, alors ça me fait un peu de peine parce que je me dis c'est comme si YouTube c'était une marche et que le film c'était une marche au-dessus. Ouais. Et que c'était un tremplin et que le top, c'est faire son film. Ouais, c'est drôle que tu dis ça. C'est vrai que moi, j'ai un peu ce truc-là, hein, je le cache pas. Après, il y a aussi un truc différent de même notre façon d'aborder YouTube. Ah ouais. C'est-à-dire que toi, t'es très, justement, tu dis DIY, un peu toute seule dans ta chambre et tout. Mm. Moi, dès le début, j'ai eu une équipe technique, par exemple. C'est clair. Ce qui est un peu un truc différent, justement, t'en parlais dans ton nouvelle école, c'est quand tu dis aux gens de faire eux-mêmes. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est que moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut faire un peu soi-même et il faut se débrouiller et faut pas dès le début avoir envie d'une équipe technique, d'une machin et tout. C'est que toi, je pense que tu as vraiment dis-moi si je me trompe, n'hésite pas à m'arrêter, mais que YouTube était vraiment un moyen d'expression de ton art, alors que moi, c'était un moyen d'expression à petite échelle de ce que j'aimerais faire. Donc en fait, c'était plus un truc de voilà, là je fais ça avec mon petit budget qui était déjà énorme par rapport à toi ou à des gens qui font ça dans leur chambre, puisqu'on avait quand même une équipe technique et tout machin. Mais du coup, c'était une espèce de petite porte d'entrée. Moi, en fait, c'était des courts-métrages. C'était une envie de faire du court-métrage, mais sur une plateforme qui permet au court-métrage d'être vu. Parce que le court-métrage, pour moi, c'était effectivement un truc qui passait à 2h du mat sur France 2 ou dans des festivals, quoi. Donc, en fait, c'est plus une utilisation différente de YouTube à la base, j'ai l'impression. Et c'est peut-être pour ça aussi que les envies... Mon rêve est de continuer, même si un jour, je fais un film qui est effectivement une volonté parce que j'aime raconter des histoires longues. C'est surtout ça, en fait, qui me fait envie. Et je sais pas, même si ça veut plus rien dire, le plaisir du cinéma maintenant avec Netflix et compagnie, mais je sais pas, j'aime une salle de cinéma et j'aime voir un spectacle sur grand écran. Mais j'ai quand même ce truc de me dire, si je fais un film, je rêve de continuer à faire des trucs sur Internet quand même. Et aussi l'autre truc que je pense que je dis à la base pour qui nous différencie un peu à ce niveau-là, c'est que moi je ne me sens pas capable de me montrer autant, enfin de me montrer même tout simplement. Je le faisais au début et en fait très vite je me suis dit oh mais je déteste en fait, je suis pas du tout capable de faire ça. J'aime pas me voir et je trouve qu'il y a et j'ai la prétention de penser que je peux apporter quelque chose en écriture et en réalisation. Je l'ai pas en tant que comédien. Je trouve qu'il y a tellement plein de gens bien meilleurs que moi et en plus des gens qui peuvent faire tellement plus de choses dans ce que j'écris que du coup j'avais pas du tout ce truc là. Donc effectivement moi je vois pas YouTube comme un tremplin parce qu'en plus j'avoue pour avoir rencontré des gens de cinéma, peut-être que tu en as croisé aussi, eux ils s'en foutent un peu de YouTube, c'est pas du tout c'est pas ça qui les fait qui les excite vraiment quoi. C'est pas parce que tu fais des trucs sur YouTube qu'ils disent ah on va faire un film et ça va cartonner. Toi ça t'aide pas? Non, ça me permet juste de montrer ce que je fais. Bah oui, mais justement. Oui. Ça, c'est des bons arguments, non ? Oui, c'est un bon argument, mais ce que je veux dire, c'est que les millions de vues que j'ai pu avoir grâce à Golden Moustache ou ce truc-là ne rentrent pas du tout en jeu. Je suis juste. Ça m'a financé, en fait, des courts-métrages. Moi, c'est le seul truc que je vois. Et en fait, le public que j'ai, et je suis trop content de l'avoir sur Internet, bizarrement, ne m'aide pas à avoir du travail. En tout cas pour le moment, je dis ça, j'ai rien fait encore autre que du YouTube, mais c'est pas ça qui me fait me faire voir aux yeux des gens quoi. C'est des gens du métier, je parle. Oui, ce qui nous différencie, je crois que toi ça te fait bien manger. Ouais. Alors il y a de ça qui joue beaucoup. Non, mais moi je suis dans un truc beaucoup plus comment dire. Et c'est ce qu'on perd aussi, nous, je pense, en authenticité, par exemple. Bah, t'es dans un système exactement qui existe, et l'humour et le court-métrage, maintenant, c'est clairement un créneau qui cartonne. Ouais, mais qui cartonnait presque. Tu crois qu'on est passé à quoi, là ? C'est quoi l'avenir ? On s'est pas retrouvé. J'ai l'impression que c'est le retour du fast-cam et on dit des choses. Ah ouais ? Fast-cam. Toi, j'ai tu crois ? J'ai l'impression, avec des concepts. Je crois que les gens sont amoureux de concepts maintenant. Genre, ils aiment. Ouais, j'ai l'impression. Mais tu dis les gens, c'est qui ? Le grand public de YouTube, tu vois, les gens qui mettent en tendance, je sais pas. C'est vrai que ça veut un peu rien dire de nommer ces gens comme ça, mais j'ai l'impression que la mode sur YouTube est un petit peu plus ça. C'est du facecam avec des concepts, genre je lis vos messages, j'ouvre vos Snapchat, tous ces trucs-là, quoi. Beaucoup d'interactions avec les gens, j'ai l'impression. Et tu crois qu'Insta Story va tuer YouTube ? Je pense pas, parce que je pense que les gens ont toujours une frustration à un moment créative. J'ai l'impression, en tout cas, que sur YouTube, il y a toujours un moment, même ceux qui font, qui au début se filmaient juste avec une webcam pour parler. Ouais. À un moment, ils veulent se mettre en scène devant la webcam ou ils veulent améliorer le montage de ce qu'ils disent. J'ai l'impression qu'il y a tous ces gens qui font des choses sur YouTube ont cette cette créativité qui veut s'exprimer, et pour le moment, Instagram, j'ai l'impression, ne le permet pas, puis c'est éphémère. Et j'ai l'impression que les gens sont un peu déçus quand même beaucoup de gens uploadent leurs stories sur YouTube, tu sais. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Bah moi, oui, je me heurte clairement à un problème de modèle économique. J'en parlais chez Antonin, mais c'est sûr que... Mais non, mais t'es un golden boy, toi. Mais pas tant, en plus, tu sais. Moi, je suis planqué. Moi, mais t'es tombé dedans, t'es tout minet. Oui. Non, mais j'ai eu beaucoup de chance. Mais après, tu sais, je suis très... pas jaloux, parce que c'est pas de la jalousie, mais très impressionné, parce que tu peux arriver à faire toi ou même des gens dans des styles différents, mais effectivement qui se sont entre guillemets fait tout seul face à leur caméra avec tout juste ce qu'ils avaient à dire. Moi, je m'en sens pas du tout capable, en fait. C'est assez je te dis, moi je suis rentré effectivement, comme tu dis, dans un système, mais je me sens pas du tout capable de comme tu dis, ne serait-ce que la motivation, mais dire vouloir que ce soit parfait à tout prix, machin. Mais ça, moi, c'est la vidéo sort jamais. Ah, mais moi je balance des brouillons, hein. Elles sont très imparfaites, mais enfin, en plus, de plus en plus. J'aime bien l'idée d'objets imparfaits. YouTube, pour moi, c'est là où justement je suis un peu critique vis-à-vis de l'abondance de courts-métrages sur YouTube. C'est que je me dis, moi, ce qui me plaisait tellement, c'est justement l'accès à l'intimité. Et maintenant, de sentir qu'il y a une industrie derrière une chaîne, ça me fait un peu... Et est-ce que tu crois que c'est pas un peu comme la radio, où au final, tu peux avoir d'énormes chaînes de radio, stations radio, qui passent du Maître Gims à fond et avec des grands animateurs qu'on paye beaucoup. Et à côté de ça, tu trouveras toujours la petite radio associative. J'avais jamais pensé à ça. Ouais. C'est vrai que c'est une assez bonne comparaison. Je sais pas, mais avec l'argent que ça draine aussi, c'est vrai que... Enfin, toi, par exemple, tu n'as pas un truc de tous les lundis, tu sors une vidéo, donc tu n'as pas ces rentrées d'argent régulières. Et même, moi, je pense que pour le contenu que je produis, une vidéo par semaine, bon, c'est sûr que je pourrais travailler sur ma régularité, on est d'accord. franchement, je ne vais pas drainer. Je fais pas un contenu. C'est tellement pas classable ce que je fais. Oui, non, bien sûr. Je sais pas. À un moment, quand je me libérerai un peu de mes histoires du moment, là, j'essaierai une vraie régularité, genre deux fois par semaine, ce serait... Ah ouais, à ce point ? Non, une fois par semaine, ce serait bien, mais... Tu trouves la pression très tôt, le truc n'est pas relancé. Non, mais parce que là, je vais être accompagnée bientôt, donc je fantasme à fond. D'accord, là-dessus. Okay. Parce que c'est vrai qu'entre juste créer, c'est chiant, mais après, publiciser ce que tu crées, partager ton contenu, le faire vivre, c'est un métier en soi, quoi. Complètement. Et tu parles de Golden Man, mais tu vois, par exemple, ça, je suis trop content de ne pas avoir à le faire. Moi, les gens, tout ça, les gens le font pour moi. Je ne sais pas si c'est toi qui upload les fichiers, par exemple. Bah non. Au début, alors pour le coup, alors, pour être tout à fait franc, même si dès le début, on était M6, au début, on uploadait nous-mêmes les fichiers. D'accord. On faisait les vignettes. Mais très vite, effectivement, on est rentré dans une espèce de façon de produire qui fait qu'on avait juste à écrire et à réaliser et à jouer et à monter. Et du coup, on était... entre guillemets, juste artiste de nos trucs. Mais là, peut-être que tout le monde le sait qui écoute, mais par exemple, c'est quoi la dernière vidéo que tu as faite ? Moi, ça date. Ça date. C'était un truc qui s'appelle Flashback Museum, qui était sur... Ah d'accord. C'est Studio ça la Movie. Dernière chose ? Ouais, je ne l'ai pas refait depuis. Et d'ailleurs, par exemple, ça traduit aussi le... Moi, je me suis un peu éloigné de Golden Moustache et de choses comme ça, parce qu'effectivement, ça me ressemblait moins et que le côté multitude de sketchs qui pouvaient m'amuser à une époque m'amuse un peu moins. Et maintenant, je fais juste une vidéo quand j'ai vraiment envie d'en faire une et j'essaie de la travailler. Or, en fait, le problème moi, que j'ai eu, c'est que j'ai trouvé que c'était très codifié très vite, les fictions YouTube, en fait. Est-ce que toi, d'ailleurs, tu ne serais pas un peu plus réconcilié avec la fiction YouTube si justement, ce n'était pas un peu les mêmes codes qu'on retrouve dans toutes les vidéos ? T'as dit la fiction ? La fiction produite, quoi, la produite par un tierce. Est-ce que je serais réconciliée Si on avait le Haneke de YouTube ou tu vois, le Audiard de YouTube. Qu'est-ce que j'aime bien ? En fait, je crois qu'aussi, le problème à la base, c'est que je pars biaisée parce que c'est pas la fiction qui m'intéresse le plus dans la vie. En général, moi, les histoires, c'est pas exactement ma came, tu vois. C'est pas ta forme d'art que tu te prends. Ouais, moi, j'aime bien... les trucs un peu hors format, performance, un peu éclaté, documentaire. Ouais, les coulisses de... des trucs, quoi. Moi, souvent, quand on essaie de me raconter une histoire, je me dis « Oh, non non, pff, non. Pff. T'embête pas. Ouais, c'est ça. T'embête pas. Juste, oublie ton regarde histoire. La caméra. Voilà, parle-moi de toi. Assieds-toi, regarde la caméra, on discute. C'est ça, oui. Ouais, moi, ouais. Je suis un peu comme ça. Donc, c'est vrai que je crois que je suis pas représentatif du grand public de YouTube. Ouais, mais après, encore une fois, je te dis, le grand public, ça veut tout. Enfin, tu vois, les gens continuent à apprécier du Norman face cam ou du. Tu vois, ça continue à plaire. Mais effectivement, après, dans ce que tu fais, toi, à savoir. L'autre truc, j'ai l'impression, c'est que même s'il y avait beaucoup, et il y en a toujours un peu, mais de comédie dans ce que tu fais, en tout cas d'humour, c'est vrai que parfois, tu parles d'un sujet, et que ça, pour le coup, je te rejoins, et ça, moi, ça me fatigue un peu sur YouTube. C'est vrai qu'il y a un vrai truc, c'est une expression que tout le monde utilise, mais il y a une vraie dictature un peu de l'humour, où on sent que c'est un peu obligé. Mmh. Et toi, quand tu as... Au début, il y avait un peu d'humour dans tes vidéos, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Est-ce qu'à un moment, tu te dis... Est-ce que c'était conscient de ta part d'arrêter de mettre de la comédie dans certaines vidéos? Ah, tu me trouves plus drôle. Ce que je veux dire, c'est que dans une vidéo comme, je sais pas, Cœur brisé ou dire là, je t'aime, il y a moins de blagues, disons. Est-ce que tu l'as fait consciemment ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Juste cette vidéo n'avait pas besoin d'humour. Bah moi, vraiment, et je pense que ça peut se retourner contre moi, mais moi, je vis vraiment ma chaîne comme ma vie, c'est-à-dire que... Parfois, tu ris, parfois tu pleures, parfois tu en as marre, parfois tu es fatigué, parfois tu es moche, parfois tu es tout nu, parfois, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment, du coup, c'est là où c'est éclaté, c'est-à-dire que je m'interdis rien, sauf vraiment le côté télé-réalité hardcore. Ouais. Mais autrement, j'aime surprendre mes abonnés, en fait. J'aime pouvoir... qui peuvent dire, en gros, « Ah, elle a sorti un truc, qu'est-ce qu'elle a sorti, quoi ?» Pas « je vais avoir... » Après, ça, je pense que ça peut être intéressant de se dire « Ah, je vais avoir ma petite dose, je sais bien. » Mais parce que je crois que je me lasse, moi, de tout. Mm. Donc, non, ça n'a pas été... Bon, cœur brisé, il se trouve que j'avais vécu un truc et je me suis dit... Autant le faire fructifier, quoi. Ça me rapporte au moins un tout petit peu de... Voilà. Ouais, ça au moins, quoi. Et puis, je sais, on me l'avait demandé. Je viens de me faire larguer, dis-moi quoi faire. Donc, bon, je l'ai fait. Après, oui, c'est des choses qui fonctionnent beaucoup à l'envi. Ouais. Pour moi, YouTube, ça doit servir à ça, en fait. Mmh. T'as une idée le matin, tu le fais, tu le publies, quoi. Ouais, il n'y avait pas une... Une vraie volonté de humour, pas humour, tout ça. Non, c'est un peu au feeling, quoi, comme tu dis. Oui, alors c'est vrai que quand j'ai arrêté de... Enfin, quand j'ai terminé l'ABCDR, je suis revenue à un style plus spontané où j'étais déjà plus proche de la caméra, où c'était moins théâtral, on peut dire. Ouais. Donc, du coup, c'est venu un peu plus direct et familier, on peut dire. Donc, en gros, j'ai complexifié le personnage, on peut dire. Ouais. Mais il s'est rapproché de moi. Ouais, c'est marrant que tu dis ça, parce qu'effectivement, tu disais, les gens t'ont presque demandé de faire un truc sur la rupture ou des trucs comme ça. J'observe, même si tu parles beaucoup parfois de certaines violences que tu peux te prendre dans des commentaires et tout, j'ai l'impression qu'il y a l'extrême inverse aussi. J'ai l'impression que les gens se sentent très proches, je sais pas si c'est de Solange ou Dina, mais en tout cas de ton contenu, de ce que tu proposes. Est-ce que ça, pour le coup, parce que moi, je me suis toujours posé la question, parce que pour le coup, je trouve que, bizarrement, on a des envies de sujets parfois similaires, c'est juste qu'on est complètement différents dans la façon de les traiter. Pour moi, l'exemple le plus drôle, c'est qu'on a fait tous les deux une vidéo sur le fait de dire « je t'aime » le même mois, mais dans deux styles complètement différents. Ah, c'était le même différents. Mois Ouais, c'était le même mois. C'était en juillet. Ok, c'est drôle. Ouais, ouais. Donc, c'est rigolo, mais les façons de faire sont complètement différentes. Quoi. Moi, c'est beaucoup plus grossier, champ contre champ, là où toi, voilà, tu parles toi directement. Et moi, ce que je vis à mon petit niveau, je me dis comment elle fait, elle, pour le vivre, à savoir des fois des gens qui se sentent tellement proches. Et moi, je le dis à moi, je ne veux pas te faire dire des choses, mais parfois trop proches. Moi, des fois, j'ai un peu un côté genre, ah, c'est cool, mais vous savez, vous êtes vous, je suis moi, et c'est super qu'on échange. Ah, t'as mais... ça aussi, toi ? Ouais. Même si tu te montres peu ? Bizarrement. Ah ouais ? C'est fou, hein. À partir du moment où je signe la vidéo, les gens m'en parlent. Est-ce que c'est plus des filles ? C'est plus des filles. Ouais. C'est plus des... Mais ça change, en vrai. De plus en plus, c'est des garçons. Et du coup, je me dis, est-ce que toi, tu as ce truc de, à un moment, c'est un peu difficile, surtout quand on les croise, quand, moi, parfois, quand je les croise dans la rue ou des trucs comme ça, c'est... En plus, tu te caches pas du tout dans tes vidéos, tu te dis que parfois, socialement, tu n'as pas toutes les aptitudes et tout. Oui. Est-ce que, j'imagine que du coup, tu croises d'autres gens qui n'ont pas les habitudes sociales parfois. Ouais. Et souvent, ça, ça fait des... des moments un peu... Ah. Mais je pense que toi, les gens doivent être plus directs avec toi, comme tu fais de l'humour. Ouais. Ils doivent peut-être plus t'embêter. Tu penses ? Bah, ils t'embêtent ou pas ? Bah, ils m'embêtent. Ça tu vas pas après dire qu'ils t'embêtent, mais ils sont un peu collants. Enfin, certains, en tout cas, n'ont aucune, comment dire, n'ont aucune forme de. Le mot pudeur paraît agressif, mais c'est effectivement, ils sont très, ils sont très ouverts dans leurs problèmes. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé ma petite réponse que je dis à chaque fois. Ouais. C'est moi, regardez, je fais de la fiction pour justement le faire dire à d'autres gens que moi et le faire vivre à d'autres gens que moi dans une vidéo. Donc, ça ne me met pas forcément à l'aise d'en parler, moi, tu vois. Donc, et toi, vu que c'est... Même si c'est Solange, au final, vous êtes quand même très proches, visuellement, hein, déjà. Vous êtes quand même très proches. Est-ce que des fois, des gens... est-ce que des fois, c'est dur à gérer, voilà, tout dans la rue... En gros, les gens, ils sont plutôt réservés et timides et en recherche et en questionnement comme moi. Donc, souvent, ils sont hyper... fuyant, voire tu vois, ils osent pas, ou c'est un petit sourire, donc ça c'est assez facile à gérer. Par contre, dans les messages, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance, clairement, et où j'ai dû avec le temps apprendre à pas entrer dans le rôle de la thérapeute ou voilà. Mais non, j'ai eu une histoire vraiment embarrassante à cause de ma vidéo Rivière au fil. D'accord. Qui a cartonné chez les lycéens. Alors, rappelons-le, c'est que tu te mettais proche d'une rivière avec très peu de vêtements. Bah, j'avouais mon fétiche pour la rivière, quoi. En gros, je disais que je faisais l'amour avec les rivières, mais cette masse de lycéens a vraiment pris le truc au premier degré. À un moment, je me suis retrouvée dans le métro. Il y avait deux types, genre 18 ans. Ouais. Mais genre, qui limite, qui écoute PNL et qui parle de foot, ils se retournent et ils me disent « C'est toi la nana qui baise avec les rivières ?» Qui devrait être ta nouvelle bio Twitter, selon je te parle, la nana qui baise avec les rivières. Et mais tu vois, je comprenais que pour eux, tu vois, j'ai eu des commentaires du genre « Oh, j'ai vu du sperme dans l'eau !» Tu vois, mais ils prenaient vraiment ça, ils ont cru quoi. Et j'ai raté ma station. Je me sentais vraiment mal parce qu'en plus, tu vois, ils avaient pas de contexte quoi. Pour eux, j'étais juste. Ils l'avaient vu, genre. C'était passé quoi dans ouais, le fil d'actu. Mais même pas publié par moi, genre craquer sur un truc, genre funny rire. Mais cette vidéo, elle a été partagée par des trucs de fake bizarres, tu vois. Ça a circulé dans les milieux, genre vidéo, genre où les gens. Se font mal aux couilles en tombant, tu vois. Moi, j'étais là-dedans, quoi. J'étais la perchée qui fait l'amour avec les rivières. T'étais sur un zap C18, quoi. C'est ça, 17, ouais. Exactement. Ah, ouais, et là, je me suis dit, mais mince, c'était incommunicable et je me suis sentie vraiment humiliée. J'étais humiliée. C'était... Parce que eux, ils étaient... Ouais, c'est ça. C'est toi. Ridicule. Ouais, c'est ça. Et là, je me suis dit, je vais pas commencer à m'expliquer, mais en même temps... C'était quand même moi. J'ai pas eu, tu vois, j'ai pas pu leur dire non. Pas du tout, c'est beaucoup plus intime que ça. C'est pas si simple. Ouais, non, ça, c'était un petit moment de solitude, ouais. Oui, mais c'était pas spécialement, justement, des gens qui se foutent ton travail, en fait. Le coup, le problème, c'était de me dire, en fait, des gens qui ne connaissent rien à ce que je fais peuvent prendre hors contexte. Et là, c'est ça que je me suis dit, oui, quoi. Ouais. Parce que généralement, les gens, ils ont déjà pas cet âge-là vraiment. Enfin, ils sont... Les gens que je rencontre, Je sais pas, c'est des gens... Enfin... Je sais pas, j'ai l'impression que pour comprendre mon contenu, justement, il faut travailler un petit peu, quoi. Ça s'offre pas facilement, donc... Mais d'ailleurs, c'est une question que je me posais, mais vraiment, c'est pas des trucs que je veux te faire dire, c'est une question que je me pose. Est-ce que maintenant, tu t'adresses un peu plus aux gens qui connaissent Solange, ou est-ce que tu as... Parce que je trouve que maintenant, tes vidéos sont... Il y a moins un bienvenu, quoi. Il n'y avait pas un grand bienvenu avant, mais c'était plus... Enfin, je trouvais ça pas plus facile d'accès, mais maintenant j'ai l'impression que vraiment tu parles aux gens qui connaissent Solange. Ah, est-ce, ouais. Est-ce que c'est fait exprès ou pas spécialement? Ah, ça m'intéresse ce que tu dis. Je crois que c'est... Mais c'est quelque chose que je me dis, est-ce que je dois me présenter et tout? Mais je déteste quand les gens ils se présentent. Mais après, je comprends ce que tu dis. Maintenant, je crois que mes vidéos, si on ne me connaît pas, peut-être on se dit, oula, pourquoi, c'est qui, quoi? On peut se sentir pas visé ou un peu exclu. J'ai l'impression parce que tu parles directement à j'ai l'impression, ouais. J'ai le sentiment que tu parles directement au public qui te suit, quoi, à ce moment-là. Mais à ton avis, je devrais commencer comment? Ah non, non, non. Moi, non, non, mais j'ai envie d'avoir ton avis. Non, non, mais en plus, j'ai aucun conseil à donner. Mais je le sens, en fait, je le sens intuitivement, ce que tu racontes. Je me suis demandé, est-ce que je dois essayer de penser à celui qui tombe, cette vidéo que je suis en train de faire, disons, c'est la première qui tombe dessus. Qu'est-ce que je dois lui dire? Ouais. Non, non, mais c'est une... C'est mais après, je pense qu'il ne faut pas que tu changes... Ça te réussit bien de suivre ton flow et de suivre ton... Mais c'est une super bonne question, même genre stratégique, c'est-à-dire... Ouais, je veux que les gens se sentent quand même bienvenus, c'est mais ça. Je veux pas que ça devienne codé. Non, non, non. C'est ça, en fait. Non, non, mais c'était juste me dire, est-ce que tu... ouais, est-ce que maintenant tu as une espèce de... Même si je déteste ce mot, mais il est très utilisé sur Internet, ouais. Une... communauté, et est-ce que la porte de cette communauté est toujours ouverte ou est-ce qu'il y a ce truc? Oui, je veux pas la fermer, oui, c'est clair. Non, c'est mais ça. Après, bon, on va pas bitcher sur l'algorithme, mais non. C'est clair que je suis pas exactement favorisée. C'est pas ton meilleur pote, on peut dire ça. Non, on peut dire ça. On peut dire ça. Et puis en plus, je crois que j'en suis à un point où j'ai vraiment envie de collaborer maintenant. Tu vois, je me suis même demandé, ce serait quoi le cross entre nous, tu vois. Ouais. je sais pas du tout si... Parce que je pense, tu vois, j'ai eu très peu de propositions. Je crois que je donne l'impression d'être une... Vraiment dans ma tour, genre ouais. En autarcie et indépendante. Mais il y a un côté impressionnant aussi, je pense, dans le côté... Tu fais tout toute seule et il y a un côté besoin de personne, entre guillemets. Ouais, alors que je me rends compte que c'est faux et que mes besoins changent et que... En fait, je gagne à m'ouvrir et j'en ai envie maintenant, tu vois. Que les gens qui m'entendent se sentent bienvenus, tu vois. Parce que, je crois que ça m'arrangeait et ça s'est peut-être un peu retourné contre moi. Après, réseauter pour réseauter, c'est non, pas non, mon truc. Mais je pense qu'on s'alimente les uns des autres. Toi, ça doit être la même chose. Je t'entendais parler, par exemple, des différents comédiens ou des différents auteurs. Ça te permet vachement de créer en réaction. Quand tu es plusieurs autour d'une table, ça rebondit, ça s'amplifie, c'est exponentiel. Tandis qu'à un moment, tu es tout seul, tu peux aller voir des films, des séries, écouter des trucs, lire des livres. Mais tu peux te fatiguer. À trop te fréquenter. Mais d'ailleurs, là, c'est plus une question... parce que tu es comédienne. Ouais. Comme tu disais, tu as fait le cours Florent, tu as tenté le conservatoire, tu as joué dans des trucs autres que Solange. Ouais. Est-ce que, sans être dans la psychologie de comptoir, mais est-ce que Solange t'a éloigné de cette volonté de jouer? Toi, je parle pas des gens, je parle vraiment de toi. Ou est-ce que toujours maintenant, tu as envie de jouer chez des metteurs en scène, chez parce que tu fais du théâtre aussi? Oui. Ça reste un peu une sorte de fantasme inabouti. Vraiment, tu vois, une vraie rencontre avec un metteur en scène qui se dit... on peut faire un truc, quoi. Ouais. Mais presque un truc, c'est un peu fusionnel, ce que je raconte, et c'est clairement fantasmé, et puis là, donc je suis en résidence dans le Nord, plutôt dans un milieu art contemporain, qui m'a un peu éloignée de ce désir, faut le dire, un peu puéril, en gros, d'être choisie, d'être désirée, ouais. Qu'on me dise quoi faire, qu'on me dise quoi apporter, qu'on me dise où bouger, enfin, moi, je pense que je l'ai pas résolu entièrement, ce truc, j'ai toujours une sorte de... curiosité vis-à-vis de ça, de voir ce que ce serait d'être la chose de quelqu'un. Mais en même temps, je suis au clair avec le fait que j'ai pas besoin de ça pour me sentir désirée dans le monde, tu vois. D'accord. Ce qui était un peu le cas avant, je pensais que ça passerait par là. Alors que j'ai dû me remonter les manches et me dire, bon, cocotte, on vient pas vers toi, donc vas-y, montre-toi, quoi. D'accord, donc il n'y a pas... tu fais pas de casting, par exemple, c'est pas des trucs qui te... Qui... Ben, j'ai un agent, je vais peut-être changer, je sais pas. Mais enfin, c'était plus un agent d'auteur à la base. D'accord. Et en fait, je sais pas si je suis faite pour l'industrie de... Je crois plus en... une rencontre ou... Mais tu vois, même dans le milieu de YouTube, même sur ma chaîne, tu vois, avec le nouveau fonds du CNC, moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup de m'offrir à différents réalisateurs, metteurs en scène, chefs-op, leur dire, je te donne ma chaîne, je te donne mon personnage, mon corps, ma voix. Ouais. Et vas-y, fais-toi plaise, quoi. Ah, c'est bien, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Je trouve ça cool. Ce serait trop bien. Peu, ouais. Tu le ferais ? Ah, bah, avec plaisir, avec grand plaisir. Alors là, avec joie. Et non, parce que je te demande ça, parce que je t'avoue, alors là, c'est juste le moment un peu anecdote nulle, mais je l'ai vu et je me suis dit, si tu viens, il faut que je t'en parle. Ouais. J'ai lu dans une interview qu'on t'avait proposé de jouer dans Pas très normal, activité. Ouais. Donc, moi, que Moïse Barthélemy, donc c'est les films avec Norman, c'était ouais, le premier film avec Norman, et qu'on t'avait proposé le rôle de la meuf de Norman, quoi. Mais enfin. C'est un peu une histoire compliquée. Oui, ben, je pense que... Mais je crois que j'aurais été trop petite. T'as vu, il est hyper grand, Norman. Il est très grand. Et moi, je suis minus et au final... Et pour le coup, il a pris une comédienne plus grande que Norman. Bah ouais. Mais c'est vrai que j'ai rencontré Maurice Barthélémy et en fait, j'étais hyper touchée, très honorée. Et en fait, j'ai lu le scénario et j'ai peut-être été un peu... Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Comment dire, critique, ouais. Et je me suis dit en fait, puis c'était arrivé relativement tôt, quoi. C'était en 2012, c'était et il me l'offrait pas le rôle, tu vois. Il castait genre 3-4 films. Voilà, on s'est rencontrés. C'est lui d'ailleurs qui m'a fait rencontrer mon agent et je l'en remercie. Mais je sais pas, j'ai pas senti, il n'y a pas eu le feeling, quoi. Ouais, c'est ça, d'accord, ouais. Non, mais c'est parce que ça me fait rire, quoi. Ouais, je me dis, ah, c'est dingue. C'était rigolo. Ouais. Là, j'aurais adoré. Dans l'idée, la copine de Norman, c'était trop rigolo. Ouais, c'est ça. Et en plus, moi qui ai vu le film, il y a une absurdité. Ouais. J'ai l'impression qu'il parfois peut te plaire. J'ai vu que tu avais adoré la Tour Montparnasse Infernal. Ah ouais, 2. Complètement. Et sans être à ce niveau-là, il y avait un peu ce côté-là. Donc je me suis dit, parce que ça, pour le coup, c'est dur de trouver en France, ce genre d'univers. Oui, absolument. Ça t'a plu, compliqué. Toi? La Tour Montparnasse? Moi, j'ai beaucoup aimé le deuxième. Ouais. Qui est plus. Ah oui, non, le 2 est beaucoup plus loin. Ouais. Non, j'ai beaucoup aimé. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai vu, il n'était pas fini encore. J'ai eu la chance de le voir, pas fini. Ouais. Et c'est vrai que dans la salle, j'étais vraiment genre, oh là là, il est parti dans. Il va et se mettre des gens salle à dos, quoi. Ouais, t'es froide. Un peu. T'étais genre le seul à Bah, un peu sur des gags. Il y avait des gags où moi j'étais comme un ouf, mais Eric Judor et même Eric Ramsey me l'avait déjà fait sur. Il y a un film que j'apprécie pas mal, on n'est pas beaucoup, qui s'appelle Halal Police d'État. Alors le titre est terrible. C'est eux. Enfin, ils ont joué dedans, ils n'ont pas écrit ou réalisé, mais bizarrement, il est beaucoup plus proche de La Tour 2. Ah, faut que je le voie. Voilà. Okay. Il est particulier, mais il y a de l'humour absurde. Et là, pour le coup, c'était vraiment une séance en public, quoi. C'était à Noisy-le-Grand à l'époque. Et là, vraiment, c'était une des mes plus belles expériences de cinéma, parce que vraiment, je pleurais de rire et les gens quittaient la salle. Les gens détestaient tellement le film qu'ils partaient de la salle. Et moi, ce qui me faisait d'autant plus rire. Et donc oui, non, c'est un cinéma que j'aime bien, le cinéma d'Éric Judor. Ah ouais. La Tour 2. Qui s'est pas mal inspiré de Quentin Dupieux, que tu connais. Ouais, il s'est réinventé. Ouais, complètement. Il s'est inventé. Et ouais. C'est pas mal, lui aussi, sur ta chaîne, pour réaliser des trucs. Oh, il est beau. Hein. Moi, j'adorerais. J'ai un truc avec Éric Judor, je pense. Il est intéressant. Ah, Quand il parle, moi, je peux l'écouter des heures. Et en anglais. C'est là, chez Quentin Dupieux, il dit « It will grow ». It will grow. Avec son accent français. Ça va pousser. Il est super, ce film. C'est Wrong, ah, ça. C'est oui, de, c'est ouais. ça. Il est super, ce film. J'adore Wrong. Super film. En salopette, Eric Judor. Ce sera le nom de, du, sera le titre de ce podcast. Eric Judor en salopette. alors, je voulais te parler un petit peu de ton prochain livre. Ouais. Alors, ah, d'accord. T'as vu, on re-rentre un peu dans le côté interview okay. sérieux. D'ailleurs, je suis un peu il faut que en... je te le dédicace là, j'en ai Ah, avec toi. Plaisir. Tu bah, le avec veux maintenant joie. Ou on, tu veux on, le voir Non, on le fera. Tu veux le toucher. Non, mais alors moi, surtout, parce que du coup, là, on sait pas grand-chose. Ouais, on non, a ça. Le titre. J'ai... Hier, j'en ai dédicacé 150. Là, j'ai encore des crampes. Ouais, ça, il sort le 7 mars. Ouais. Ça s'appelle Autoportrait en chienne. Donc, c'est à l'Iconoclaste. Donc, j'ai changé d'éditeur et c'est pour le coup un livre complètement inédit, des textes plutôt intimes, portrait croisé avec ma chienne, Truite, yeah. et qui est une façon de revenir sur ben, un peu toutes les problématiques qui me visitent, mais presque en off de Solange. D'accord. Ouais. Ah, c'est tout ce que tu mets pas presque sur... Ouais, c'est plutôt ça, ouais. Donc, il y a des révélations. Ah oui, d'accord. Bon, c'est auto-fictif, mais, ouais. Mais notamment, je parle beaucoup... Enfin, beaucoup. Je parle du couple, qui est un sujet qui est complètement absent de YouTube, enfin, ah, en ce qui me peu. Concerne, ouais. Ouais, ouais, très peu. Et qui était un choix de ma part, parce que je voulais pas m'enfermer dans la meuf qui parle de son couple. Ouais. Qui est aussi ce que je reproche pas mal aux comédies sur YouTube, c'est que les trucs de genre la meuf qui se plaint, son mec qui se fait quitter, le plan cul, le... c'est beaucoup ça, quoi. Ah oui, oui, il y a eu, je fais partie de cette génération, on a fait partie de ça, on est un peu responsable, c'est vrai. Ouais, bon, bref, c'était ouais. ça aussi. Ouais, ouais. Donc, ouais, donc c'est l'un des sujets du livre, la dépression, le... enfin, ce que c'est de créer, la solitude, l'amitié, la... enfin, le rapport aux parents aussi. Ah. Je ne pensais pas que j'aurais parlé de famille, tu vois. Mais en fait, quand tu te mets à écrire sur toi, on dirait que c'est comme un... Il faut vider ça, cette soupape-là, quoi. À un moment, c'est une valve, quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est très dur de refermer le robinet, quoi. Ouais, ouais. Moi, j'ai gardé que le plus intense. Ouais. Mais ouais, j'en suis très fière. Et à la fois, ça m'a tout pris, quoi. C'est, je suis passée... je crois que je pensais que je le finirais, j'y arriverais pas, quoi. D'accord. Et là, pour le coup, c'était un peu une commande d'éditeur. Et j'ai, ouais, j'ai, ça m'a tout pris, quoi. Ouais, c'est intense comme travail. Ouais, ouais, ouais. Tu te revisites un peu. Vraiment. Enfin, ouais, tu t'explores. C'est ça. Et ça t'a pris combien de temps, à peu près ? Ben, en fait, c'est par séance. Là, en février dernier, donc en 2017, tout février, j'ai craché une bonne partie du premier jet. Ouais. Cet été, j'ai revisité tout ça. J'ai ordonné, j'ai déployé, j'ai édité, j'ai coupé, j'ai... Et là, à l'automne, bah, j'ai retravaillé avec mon éditrice et c'est devenu comme ça un objet assez... je pense que c'est un livre qui... Parce que c'est 200 pages, mais... Ah oui, qui, d'accord, qui, 200 mais, pages. Mais bon, c'est un format qui peut se lire assez vite. Je pense que d'accord. ça peut se lire en 2 heures, tu vois. D'accord. Mais à la fois, je crois que ça peut se dévorer et ça peut aussi se méditer, tu vois. Il y a plusieurs façons de le lire et... Il y a comme, enfin, on peut le prendre au premier degré, genre c'est une fille qui parle de sa chienne tout en se projetant en elle et inversement. Ou on peut se dire c'est une psychanalyse deep. Ouais, ouais. Voilà. Trop bien. Et alors, c'est justement, ouais, j'ai ouvert un truc, des gens pouvaient te poser des questions ah ouais. Sur un truc privé et tout. Et les gens donc, demandent déjà est-ce que Truite va bien ? Ça, c'était la première chose. Okay. Est-ce qu'elle va bien ? L'hiver, c'est pas sa saison. Elle kiffe pas trop. Elle grelotte, elle dort, elle... Elle aime pas sortir. Non. Hier, elle a vomi de l'herbe. Ah oui. Parce que c'est son truc. Maintenant qu'on a une petite cour dans le nord, on a la chance, à Paris, on n'a pas. Bah, elle a je crois que les animaux font ça. Elle va manger de l'herbe comme une petite vache. Et elle rentre et elle vomit une boule d'herbe. D'accord. Et elle va mieux après. Après elle veut manger. Pense. Ouais. D'accord, donc bon, les gens sont rassurés. Ouais. Et alors, est-ce que ça... Peut-être que tu en parles dans ton livre et je ne veux pas le spoiler trop, ouais. mais parce que moi, je suis team chien et je suis un grand amoureux des chiens. Et je suis... Un de mes mal-être de vivre à Paris est que je ne me sens pas d'avoir un chien. Ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a vraiment apporté dans ta vie, cette petite chienne, ou qu'est-ce qui... Parce qu'en plus, t'es allé la chercher loin, je crois. Ouais. T'as un peu galéré. Tu peux expliquer un petit peu aux gens. Je cherchais un chien. Je voulais l'adopter. Donc, je commençais à faire le tour des associations en France. Et il se trouve que, bon, je voulais un petit chien. J'avais un peu des désirs, justement. Je voulais un petit chien, pas trop, justement, pas trop de besoin d'activité, parce que j'étais à l'époque à Paris. Je voulais qu'elle soit une femelle. Je voulais qu'elle ait les poils courts. Enfin, j'avais un petit peu des races. Enfin, j'avais fait des recherches, quoi, pour un chien qui me corresponde vraiment. Et donc, les associations qui avaient des chiens comme ça, elles étaient en banlieue, et comme j'avais pas de voiture, et que ça devenait compliqué. Puis, j'avais rempli des questionnaires, on m'avait pas répondu. Et puis, bref, je suis tombée sur cette association qui s'appelle USA Dogs Bless You. D'accord. Qui sont, c'est une association d'hôtesses de l'air françaises qui font des sauvetages aux États-Unis de petits chiens. Et donc, elles sont spécialisées parce que, bon, il y a un truc un peu militant où il y a... Enfin, les euthanasies sont beaucoup plus pratiquées aux États-Unis. Et bref, elles sauvaient des petits chiens. Et j'ai vu la photo de truite. Et quand j'ai vu la photo de truite, mais avec sa bouille, je me suis dit non, mais c'est ça, quoi. Je crois que j'ai jamais eu de coup de foudre dans ma vie. S'il y a peut-être eu un mec une fois, mais on le place après truite. Oui, oui. On le place en deuxième position après truite. Ah ouais, non, truite, c'était elle, quoi. J'ai vu la photo, elle était sur la table de... Bon, je le raconte dans le livre, mais c'était elle, quoi. Ses yeux, sa bouille. Et il y avait une petite vidéo où, en plus, on la voyait. Genre, ils étaient quatre. Il y en avait trois qui avaient l'air hyper chiants, hyper excités. Et elle était derrière. Elle levait une patte. Elle savait pas où aller. Je me suis dit, mais en plus, elle est comme moi. Donc, c'était elle. Et donc, l'association est venue chez moi vérifier si... j'étais quelqu'un d'honnête et de safe. Et elle est arrivée quelques semaines après. Et en fait, objectivement, ce que ça a changé dans ma vie, c'est assez clair. C'est le nombre de fois où je souris dans une journée. Ah. Juste ça, quoi. Et ça change la vie, en fait. Bah, bien sûr. Je souris, mais 15 fois plus qu'avant. Juste ça, quoi. Je m'attendris. Ouais, ça change la vie, quoi. C'est incroyable. Elle est arrivée, et donc tu l'as maintenant depuis combien d'années maintenant? Ça fait faire un peu plus de 3 ans. Ouais, 2014. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ouais. En tout cas, ces eaux-là, c'est génial. Et, elle est, et du coup, dans ta... Comment dire? Est-ce que dans... Parce que j'ai l'impression, quand je regarde les vidéos de Solange, il y a toujours un petit fond de déprime, des fois, dans le... Voilà. Ouais. Et les chiens... des aspirateurs à déprime. Est-ce que créativement, Truite t'a apporté, du coup, comme tu dis, te fait sourire, mais est-ce que du coup, t'as changé un changement créatif? Est-ce qu'il y a un côté. Est-ce que j'ai encore des. Ouais, est-ce que du coup, je vais mal encore? Et est-ce que je peux en faire de l'art? Bah après, il y a le côté son histoire. Donc, elle a été abandonnée avec sa petite dans une cave et elle a une blessure sur le museau. On sent qu'elle a voulu s'enfuir, qu'elle s'est blessée et que. Donc, je ne connais pas les détails de son histoire, mais elle porte en elle un truc pas cool qui peut expliquer... c'est une taupe, en fait. Donc, elle dort beaucoup et elle s'enfouit sous la couette. Et le problème, c'est que j'adore faire la sieste avec elle. Donc, elle aspire un peu mon penchant, oisif et neurasthénique de « je dors pour fuir le monde ». Mais non, c'est bizarre parce que j'ai un peu l'impression qu'elle me juge. Dans le côté, je ne sais pas vraiment comment jouer avec un chien, tu vois. Je ne suis pas guirette et ça m'arrive, mais moi, je suis plus dans les caresses, les câlins, dormir avec elle, lui parler, tout ça. Mais elle aime bien faire la guerre, quoi. Elle aime se batailler et ça, moi, je ne sais pas faire. Elle me griffe, je lui en veux, tu vois. Donc, je n'ai pas encore appris à jouer. D'accord. Mais elle va m'apprendre, je pense qu'elle est en train d'essayer. Ah bah oui, non, mais les chiens changent la personnalité. Je suis sûre que toi, tu sais très bien jouer avec les chiens. Alors, moi, j'ai pas de chien et j'en ai jamais eu. Ah, t'en as jamais eu. Mais j'ai travaillé, j'étais bénévole à la SPA pendant 4 ans. Ouais, quand j'étais ado. Parce que je voulais un chien, ma mère voulait pas. Et elle m'a dit, si tu veux vraiment t'occuper de chien, pour que je comprenne la responsabilité que c'est d'avoir un chien, elle m'a dit, t'as qu'à aller à la SPA. Et moi, j'ai fait, peut-être je vais y aller, parce que j'étais très adolescent. Et je l'ai fait. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai été bénévole à la SPA jusqu'à ce que je parte de ma Bourgogne natale, donc jusqu'à mes 18 ans. Et voilà. Mais donc c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal à... Ça m'a apporté beaucoup, mais je peux pas vraiment avoir de chien encore parce que je suis un peu en mode... C'est vraiment... Je pense que je m'en fais une plus grosse montagne que ce que c'est, même si c'est beaucoup de temps, de travail, il faut s'en occuper, mais c'est comme les gens qui disent « Non, mais moi, je veux pas d'enfant, j'ai pas le temps, j'ai machin, machin », et qu'en fait, qui se rendent compte quand ils en ont... Quand t'en as un, tu le trouves le temps et que voilà, que ça se, ta vie s'articule autour de ça. Et je pense que c'est un peu pareil avec un chien. T'en as parlé à Poulpe, c'est lui qui avait un chien. Poulpe a un chien. Poulpe a un chien. Mais tout le monde a un chien en ce moment. Tous mes copains sur internet ont des chiens. Il y a eu une mode du chien qui est revenue. D'accord. Mais. T'as fait un sketch avec des chiens déjà ? J'ai fait un sketch avec un chien. Ouais. Qui était pas le sketch le plus fin de la terre. Mais c'était très cool. J'étais très heureux. Mais j'ai pas vraiment travaillé parce que j'étais juste trop content d'avoir un chien. Et j'étais avec une dresseuse. Parce que t'as dû emmagasiner des histoires à la SPA, non ? Ah oui. Ouais. Mais j'en ai jamais vraiment fait de... Je sais pas, c'était... En plus, c'était un peu cool, parce que vu que j'étais adolescent et donc complètement dans ma phase émo... une phase émo ? Pas émo, émo, mais tu vois, à se gratter les cheveux en disant quand même cette société. les chiens, c'était trop bien, parce que du coup, c'était des chiens qui étaient pas heureux, mais qui étaient... qui te faisait la fête dès que tu t'occupais d'eux, quoi. Donc, qui te donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, c'était chouette. Ça, c'était très bien. Mais après, c'est très dur, hein, la SPA. J'ai pu le faire à l'époque parce que j'avais vraiment un besoin de chien. Mais maintenant que je pouvais pas, parce que mes parents voulaient pas, maintenant que je peux avoir un chien, j'aurais beaucoup plus de mal à aller à la SPA et m'occuper de chien. C'est ça, ça prend quand même beaucoup d'émotions. Parce qu'en fait, si t'aimes un chien... et qui part, bah du coup tu fais bah c'est trop bien, il a une famille, mais c'est quand même super dur, tu vois. C'est vraiment comme se dire, c'est comme se dire, oui bon bah voilà, elle m'a quitté, elle est heureuse maintenant avec un autre gars, mais mais elle est quand même pas avec moi, tu vois. C'est un peu ce truc là. Donc voilà, mais c'était super. En plus c'était une SPA de petite ville. C'est pas non plus les grosses SPA où ils sont dans des petites box parce qu'il n'y a pas de place et machin. Là, ils avaient chacun un petit terrain pour jouer. Ça restait humain quand même. Mais moi, je trouve qu'un chien, c'est... Mais moi, parce que je te parle de cette question sur la créativité et de prendre le darkness, parce que justement, c'est ma crainte si j'ai un chien. Je me dis, moi, j'aime bien des fois être allongé dans mon canapé en turbo-déprime et me dire... Et je sais que si j'avais un chien, je serais mais non, la vie, elle est belle, c'est bien. Et du coup, je réfléchirais pas. J'ai peur de plus réfléchir à des idées. C'est sûr que ça te sort, même dans les engueulades, quoi. Enfin, dans les fausses... Enfin, c'est drôle, on joue parfois à s'engueuler devant le chien et le chien veut la réconciliation. C'est... Comment elle fait quand elle te... Bah, elle grimpe, elle fait les pattes, tu sais, sur les épaules, lèche le nez, ou elle chouine, c'est... Ouais, elle est inquiète, quoi. D'un coup, elle panique. Ouais, non, c'est pas... Non, vous engueulez pas... Mais non, c'est pire que ça, c'est la détresse, quoi. Ils ont une grande empathie, c'est des animaux qui ont une empathie dingue. Donc tu parles beaucoup de truites dans ton livre. Ah bah oui, elle est, tu sais, c'est... Ta coloc, quoi. C'est sur elle, ouais. Elle est co-auteur. Bah super, bah écoute, j'ai hâte de le lire. J'ai des petites questions que je me permets de te dire, ça fait déjà une heure qu'on parle. Ouais. Et peut-être qu'on va se dire que... Hein, c'était très intéressant en tout cas. Attends, je regarde si j'avais des trucs intéressants où je me dis est-ce que... Non, ça j'en ai parlé, je suis content. Ça, je t'en parle ailleurs. Ah si, alors j'ai remarqué un truc et je voulais t'en parler. Tes likes YouTube sont visibles sur ta chaîne. C'est-à-dire qu'on peut voir tout ce que tu likes sur YouTube quand on va sur ta chaîne YouTube et on voit plein de choses. Dans les vidéos j'aime là, c'est ça. Ouais. Et tu l'as laissé en public. Ouais, j'aime pas les gens qui cachent ça. Ah, moi, je le cache, par exemple. Oh, moi, je le cache. Tu likes des trucs honteux ? Bah, déjà, je like mes propres trucs, ce qui est déjà un Pourquoi tu fais ça ? Bah, je sais pas. T'as même pas besoin de ça. Bah ouais, je sais pas. Alors, des fois, j'ai besoin, parce qu'une grosse audience implique des fois des gros râteaux dans la gueule aussi. Tu sais, j'ai des vidéos qui sont plantées, hein, moi, des gens qui ont détesté. Mais tu crois que ton like fait la différence ? Non, mais il me fait du bien. Bah oui, mais et que c'est honteux ? Non, en vrai, c'est pas honteux. Je pense que tout le monde le fait, en vrai. Moi, j'ai été choquée. Bon, je vais balancer un peu, mais je l'adore, hein, le Fossoyeur. Ouais. Lui, il a ses likes et il a presque que liké ses vidéos à lui. Donc là, je balance mais parce que je l'adore. Mais oui. Moi, je rêverais de voir tout ce que les gens likent et tout ce à quoi ils sont abonnés. Ouais. Moi, c'est pour ça que je l'ai mis en... Du coup, t'es allé regarder ? Ouais. Mais il y a plein de choses. C'est très intéressant. C'est très éclectique. Ah, tu trouves ? Ah, je trouve. C'est ça. Mais c'est pas très francophone, je pense. Pas très francophone. Ouais. Pas très francophone. Mais il y a autant des vidéos d'Arte que PewDiePie. Oui. C'est ça qui me plaît. Ah ouais. C'est qu'on peut s'imaginer une image de suite à ce que tu fais. Et en ah fait, non, on se rend pas compte, du ouais. tout. Je consomme beaucoup de recettes et de vidéos de yoga et de trucs de développement personnel. Ouais. Du coup, je sais plus ce que j'ai liké, je ne suis pas allée voir. Non, non, mais il y a plein de choses. Mais allez voir ce que je like. Moi, c'est comme ça qu'on découvre des gens aussi. Exactement. Le Nordwriter aussi, j'ai vu que tu avais ouais, liké ah, beaucoup. J'adore. C'est ouais. vachement bien. Ah, ouais, ça, on peut bien. Vous le conseiller. Parce que des fois, dans le podcast, on conseille des, ouais. des trucs. Et là, pour le coup, Nordwriter, ouais, vous pouvez y aller, c'est vachement bien. C'est trop bien. C'est, il parle de, en gros, ouais, en 2-2, il parle de... Bah, il appelle ça des vidéos-essais. Ouais. Donc, c'est des essais sur des thématiques. Ça peut être bien la bande-annonce chez... Spielberg, ou ça peut être comment on fait un clip de Beyoncé, ou même des parodies, ou même des... Bon, c'est un peu orienté cinéma, mais il y a pas mal de littérature, de... Ah, il a fait un truc sur Trump aussi, je crois, sur les ouais, discours plusieurs, de Trump. Ouais, plusieurs, ouais, sur Louis C.K. Ouais, ouais. Mais c'est hyper intelligent, le type est universitaire, mais il réussit à... Il a une très belle voix. Il réussit à vulgariser quoi, des sujets assez pointus, toujours de manière... très habile, et puis là, After Effects, il est un pro du montage et des effets, c'est d'une virtuosité. Très efficace. Ouais. Ouais. C'est très, très, très. Et du coup, ma question était, est-ce que le YouTube américain t'inspire un peu? Ou est-ce que juste. Ah ben moi, c'est clair, je regarde plus de contenu anglophone vraiment, quoi. Mais tu le regardes, mais est-ce qu'il t'inspire dans Solange? Parfois. Oui, je pense que dans des idées de. L'inspiration. Je pense qu'au début, enfin le truc des une vidéo par jour, c'était quand j'ai découvert Grace Helbig, qui est une grande youtubeuse américaine. Malheureusement, je déteste dire ça, mais je trouve que c'est peut-être le problème des gens qui publient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'elle donne l'impression d'être sur pilote automatique maintenant. Ouais. Ce que je déteste dire parce que je l'aime et je l'estime et je pense que ça doit être hyper dur de fournir. Mais il y a des gens comme ça, à un moment, tu as l'impression que l'âme est partie, quoi. Ouais. Ou alors, c'est pas qu'elle est partie, il ne faut pas être si défaitiste que ça, mais que, quelque part, c'est très insécurisant d'être sur un médium où on ne sait pas ce que ça va devenir, et où on regarde les chiffres, où on a peur, enfin, on se dit, il faut que je produise, il faut que ça sorte, ouais. Et en même temps, qu'est-ce que je fais ? Tu n'as pas le temps de t'interroger sur la valeur, sur ton envie, sur... Et du coup, bah, tu publies, quoi, tu sors, ouais. Tu sors les vidéos et... Et là, maintenant, je la regarde presque plus, mais c'est vrai qu'elle, dans le genre humour décalé, quotidien, vraie vie, poésie, absurde, elle était beaucoup ça au départ. Après, j'ai beaucoup regardé la booktubosphère anglophone, des gens qui... C'est comme ça que j'ai commencé mes bilans Q aussi, où ouais. Où je parle de ce que je consomme, expo, spectacle, livre, film. Quoi d'autre? Ah, il y a une chaîne, bah, tu dois connaître, You Suck at Cooking. Oui. Ouais. Alors ça, c'est extra dans le genre d'où il sort et il fait le truc, mais à la perfection, j'encourage à aller voir. Genre, c'est une émission de cuisine, mais on ne voit pas le type et il fait parler les œufs durs et c'est trop, trop bien, quoi. Ouais, beaucoup dans, ouais. Je pense, une sorte d'humour. Je trouve qu'en France, on est beaucoup dans l'humour homme-femme, relation. On est très ouais, dans les punchlines. Très dans l'observation de la vie quotidienne. Oui, mais dans. Mais en surface, peut-être. Ouais, peu. Plus dans. Enfin, très terre à terre. Ouais. Alors, bah, ça a sa place, hein, mais moi, ouais, c'est ouais. moins ce qui m'atteint. Ouais. Et quand tu parles de, par exemple. T'as l'impression parfois de certaines personnes que t'as suivies où t'as trouvé le côté un peu pilote automatique. Ouais. Est-ce que c'est un truc qui te fait peur pour toi? Bah, le problème, c'est ça, c'est que de l'intérieur, je crois que c'est le truc que je hais le plus entendre, quoi. Ah, c'est pas comme avant. Ouais. Est-ce que... Ouais, tu vois, non, ouais, mais là, aussi. C'est vraiment un cliché de dire ça, mais tu vois, maintenant que moi, j'ai essayé un peu d'en vivre, je suis sûre que je vais me prendre côté, mais... Tu prenais plus de plaisir. Mais il y a des gens auxquels je tiens vraiment qui m'ont dit « Ah ouais, mais t'étais plus... c'était plus, je sais pas comment... spontané, ouais. » Ça, c'est dur, hein. Ah, c'est super dur. Moi, j'ai un vrai problème avec les commentaires, pas dans le sens YouTube, mais enfin, il y en a aussi dans les commentaires YouTube, mais les gens qui critiquent une vidéo ou un contenu, mais en imaginant ton état d'esprit. J'ai beaucoup plus d'aisance à entendre ta vidéo, c'est de la merde pour moi, ou dire c'est mal réalisé, c'est mal joué, c'est mal écrit, c'est nul, ça ne m'intéresse pas, ça a été fait 1000 fois, arrête les vidéos, tout ça, je suis ok avec ça, j'ai aucun souci avec tout ça. J'ai beaucoup plus de mal avec, oh, on sent que tu t'es pas foulé sur celle-là, ou des gens qui disent, oui bon là c'était pour l'argent quoi, tu vois, ou c'était pour, ouais bon voilà, peut-être va falloir se réveiller parce que là on sent que t'avais pas vraiment envie de la faire celle-là. J'ai toujours un peu de mal avec les gens qui se mettent un peu en, qui pensent connaître ton état d'esprit. Oui, et qui se placent en posture de producteur finalement. Ah, en gros, tu me dois tout, c'est grâce à toi si t'es là, c'est grâce à moi si t'es là, et moi je sais comment faire ce que tu aurais dû faire. Et on leur doit beaucoup à ces gens qui nous regardent. Bien sûr. Mais c'est vrai que la frontière, elle est compliquée quand toi t'es tout seul et que quelque part tu comptes sur leur regard, mais à faire la part entre jusqu'où tu peux les écouter, quoi. Bah oui. Et jusqu'où, à un moment, c'est à toi de dire, écoute, mec, tu sais pas de quoi tu parles. Moi, je sais ce que je fais. Ouais. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que je suis un peu une boucle, mais tu parlais de ma façon, moi, de faire les vidéos un peu plus dans le système. C'est d'autant plus dans les commentaires parce que les gens qui s'abonnent aux chaînes qu'on fait, c'est pas ma chaîne, moi. Tu ouais, vois, en plus. C'est une chaîne. Donc les gens qui viennent, ils viennent pas spécialement pour moi. Ouais. Donc quand derrière ils disent c'est de la merde, tu dis mais est-ce que au moins tu aimes ce que je fais ? Parce que ça se trouve, tu vois, c'est comme les gens qui ont des cartes UGC illimitées et qui vont voir et qui n'aiment pas la comédie française mais vont voir les tuches et ils disent c'est de la merde. Tu dis bah oui, mais peut-être que juste va pas voir ça, tu vois. Tu n'es pas obligé de donner ton avis sur absolument tout ce que tu regardes. Et du coup, je t'entends à 1000% parce que moi j'ai en plus ce truc de je ne sais pas qui tu es pour dire ça. Je ne sais pas si tu es vraiment quelqu'un qui aime profondément mon travail et qui est donc déçu au plus haut point, et dans ce cas-là parlons-en parce que ça m'intéresse si vraiment il y en a qui te font ça. Flo, ça va plus, c'est dur, on me l'a fait, on me l'a fait. Mais d'autant qu'en plus moi j'ai, encore une fois, j'ai une façon de d'aborder YouTube différente de la tienne, où en plus par exemple moi j'ai un truc vraiment de différent en même temps assez similaire, parce que en fait j'aime tester plein de trucs. Et par exemple j'ai été un peu connu en faisant des trucs un peu touchant, rigolo, quoi. C'était un peu le truc, c'était un peu les trucs que les gens aimaient bien chez moi. Et dès que des fois, j'avais juste envie de faire des trucs très débiles ou très. Et moi, j'aime parfois la grossièreté. Enfin, c'est un truc qui peut m'amuser. Enfin, je trouve une certaine poésie là-dedans. Je suis fan de Blier. Je me mets pas au niveau, mais j'aime la poésie dans ces trucs-là. Et quand tu fais des trucs plus débilos, plus vraiment bas du front et tout, d'un coup, on dit. Voilà, tu t'es perdu là, machin et tout. Alors tu dis, ah ben moi je veux juste essayer des trucs, ne me mettez pas dans un carcan comme ça. Mais je crois qu'il y a des créateurs qui se laissent avoir par ces commentaires-là et qui se disent, en fait on m'aime pour ça, donc je vais faire que ça. Oui. Et ça peut être, enfin je sais pas. Hein. Ah si, genre, si. J'en rencontre pas beaucoup. Moi qui rencontre, je te le dis, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est dangereux parce que du coup, ta croissance, elle est zigouillée à cause de gens qui... Enfin, ils t'enferment, quoi. Tu t'enfermes, tu te tires dans le pied. Et... Mais c'est flippant. Ouais, c'est flippant. Mais en plus, ouais, mais c'est quoi, genre vidéo touchant, rigolo, c'est comme celle du plan cul qui... La rupture de plan cul, ça c'est touchant, rigolo, je sais pas. En fait, j'ai fait plusieurs... j'avais fait une vidéo qui s'appelait le syndrome post-rupture. Ah, j'ai dû l'avoir il y a longtemps. C'était une vidéo que j'avais fait à Suricat. Je faisais encore partie de Suricat à l'époque. Et ça parlait du fait qu'on a toujours un peu le fantôme de l'ex qui nous juge dans nos nouvelles actions en disant « Ah, mais non, t'es pas exactement comme avec moi » ou qui dit « Ah, c'est ça, c'est ta nouvelle compagne ». À l'époque, je me posais beaucoup moins de questions qu'aujourd'hui et j'étais vraiment en mode « Bah, déjà, j'avais 23 ans, donc t'as pas la maturité de... » C'était il y a 5 ans déjà, donc 5, 6, 7, j'avais même 22 ans. Donc voilà, mais c'était une vidéo, en fait, la chance qu'on a eue, le coup de poker, mais qui n'était pas du tout prévu, mais c'est qu'on était sur une chaîne où les gens s'abonnaient pour de la grosse blague. C'est-à-dire que ma première vidéo qui a vraiment marché, ça s'appelait « La vie sexuelle des jeux vidéo », et ça n'avait pas plus d'idées que des personnages de jeux vidéo, comment ils font l'amour, quoi. Mais elle est très bien, celle-là. Je trouve qu'en plus, tu tombes pas... Enfin, je trouve qu'elle est... Ah, je trouve qu'il y a un truc parfaitement dosé, quoi. Ah, bah, c'est gentil, merci. Ouais. Bah, je ne l'ai pas fait toute seule, c'était avec les gens de Suricane, donc Raph, Vincent et Julien. qui seront les invités du prochain podcast. Ah. Tu me permets de me faire des petites transitions comme ça, on en fait un spécial sur les quatre. Cool. On fait un peu comme les inconnus quand ils ont besoin d'argent, on se reforme et on va en parler, machin et tout. Et donc, ouais, et après, en fait, on s'est dit, ah, c'est cool le sketch, mais on veut pas faire que du sketch. Et donc, on a fait des trucs qu'on appelait plus court-métrage. Mmh. Et effectivement, on mettait pas forcément des blagues. Et ça, en fait, ça a été en fait un... Ouais, ça aurait presque pu être un calcul, en fait, tellement les gens, ça leur a plu. Il y avait un côté genre, ah, c'est cool, parce que justement, vous n'êtes pas que dans la blague. Et donc, en fait, d'un coup, on a eu une espèce de réputation, et moi encore plus, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Ouais. Je suis fan, je suis beaucoup plus comédie dramatique que comédie pure, ouais. Je suis fan de films comme Little Miss Sunshine, ou des trucs, j'aime bien le ciné de Clapiche, enfin, c'est des choses qui me parlent. Du coup, moi, je me suis dit, ah, cool, les gens aiment bien, je vais là-dedans. Donc, j'ai enchaîné un peu plusieurs trucs comme ça. Et ensuite, quand je me suis dit, bon, bah là, j'en ai ça fait... Ça a été quoi, alors, la grosse tarte à la crème qui est... Eh bah, ben, dis-toi que c'était un peu comme ça. C'est un sketch qui s'appelait... Enfin, un sketch. Une vidéo qui s'appelait Âge moyen. Ouais. Qui, en gros, parlait du fait qu'à un moment, tu as du mal à doser ton âge mental. Enfin, là, ça parlait de la peur de vieillir et la peur de perdre ta jeunesse. Mmh. Et c'était via le prisme du couple, à savoir, oh putain, en fait, la personne avec qui je partage ma vie a un âge mental plus haut que le mien et moi je vais encore m'amuser et la personne est beaucoup plus carrée. Qui était un truc, encore une fois, moi mes vidéos elles sont pas spécialement réfléchies, je parle de ce que je vivais à cette époque-là. Et à cette époque-là, moi j'avais une nana qui était beaucoup plus... qui me disait des phrases comme ouais, ça va, et oh, tu vois, qui faisait un peu ça. Et donc du coup, je me suis dit, ah, c'est intéressant, je vais en parler. J'ai inversé les sexes, parce que j'en avais marre qu'on ait que des mecs avec des barbes en héros. Ouais. Et puis surtout, je voulais tourner avec Aude Gony-Goubert, qui est une comédienne que j'adore. Et cette vidéo n'a pas du tout pris. Ouais, vraiment, les gens ont détesté. Il y a eu beaucoup, beaucoup de pouces rouges. Mmh. Et en plus, moi, c'était un peu flippant, parce que c'était un peu... c'était ma première, vraiment, qui se prenait une tarte dans la gueule. Et en fait, il y a eu l'après-coup, je sais pas si... T'as déjà eu, toi aussi, une tarte à la crème un peu dans la gueule ou... Sur une vidéo, après moi, c'est des vidéos qui divisent beaucoup, mais. Ouais. Mais c'est peut-être un autre public qui crache, c'est pas forcément ton public. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Parce que du coup, moi, il y avait ce côté un peu déception, mais après coup, les gens, la majorité de commentaires a été pourquoi il y a autant de dislikes, moi, c'est ma préférée. Et puis bon, c'est la préférée de ma petite amie actuelle, donc je suis très content. Au final, c'est le plus important. Mais voilà, non, donc du coup, il y a eu après un retour de gens qui... mais sur Twitter ou sur Facebook, quand je fais des trucs très débiles, j'ai des messages de « Mais pourquoi tu veux pas mettre un peu du piano à la fin ou de la guitare folk avec un travelling arrière ou... ?» Non, tu veux pas faire ça ? Voilà, c'est assez rigolo. J'avais un format que j'aimais bien, qui était en noir et blanc, qui était juste deux personnes qui discutent. D'accord. Et qui parlent très ouvertement de sexe, parce que je trouvais que c'était une période de ma vie où je trouvais YouTube beaucoup trop puritain. J'étais un peu genre, oh là là, même des gens que je connais qui faisaient du contenu grand public, moi ce que j'aimais bien aussi dans YouTube, c'était on parle de choses qu'on n'a pas le droit de dire à la télé, ou machin et tout. Et donc du coup, j'ai fait des vidéos un peu, pas grasses, mais en tout cas... droit au but, exemple. Quoi. Voilà. C'est une vidéo qui s'appelait Simba et qui parlait d'un gars qui voulait absolument juste coucher avec une amie, mais pas du tout être avec elle. Juste, il dit peut-être on pourrait le tenter. Et l'autre s'appelait Barbecue et c'était avec un Québécois qui s'appelle Dan Gagnon qui parlait d'une meuf qui n'a pas réussi à faire bander un mec. Et qui parlait du fait que les mecs qui essayent à tout prix de bander et qui n'y arrivent pas, et le côté un peu pathétique d'un homme qui essaie de dire non, mais ça va le faire au lit, alors qu'il n'arrive pas à bander. Et qui parlait avec de ce une truc-là. Allégorie avec sur le barbecue. Avec allumer un barbecue. Parce que je suis un poète. Donc voilà. Et ces trucs-là, par exemple, pareil, on fait un peu genre oh là, tu nous mets du piano et maintenant tu parles de bander, c'est comme un barbecue. Et moi j'avais un peu un côté j'ai envie de faire ça aussi. Et si on s'empêche de faire ça, c'est dommage, on est sur YouTube. Ouais. Je suis parti en monologue, excuse-moi. Non, je t'en prie, mais c'est vrai que moi je les appelle aussi les. Dans ma tête, je me dis c'est les petits professeurs d'école, ceux qui te disent comment t'aurais dû faire ou ce que tu dois faire ou ce que tu sais pas faire ou là ou. En plus, moi, je suis une fille, donc j'ai souvent en plus du paternalisme. Ah, bien sûr. De je t'ai vu, enfin quand j'ai fait une vidéo avec un mec, c'est genre tu ne devrais pas fréquenter ce garçon. Ou n'achète pas ce genre de choses ou. Enfin, les gens, ils s'approprient ta vie, quoi. Ouais, et puis moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à dire « Oh, les commentaires, je m'en fous », mais moi, je sais que je passe du temps à quand même voir la réaction. Ah, moi, je vais pas voir. Je te trouve vraiment kamikaze d'aller voir. C'est peut-être plus dur pour toi, aussi. Oui, parce qu'il faut dire, je voulais te poser la question de la rivalité, parce que du coup, quand t'es une chaîne où t'as plusieurs réals et plusieurs projets, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté « Est-ce que mes trucs marchent aussi bien ou mieux ou moins bien ou... ?» Franchement, ça fait très langue de bois, mais je te jure que non. Ah non ? J'ai jamais eu ce truc-là. Parce qu'en fait, je faisais des trucs différents des autres. Je l'ai eu peut-être avec Suricat, parce qu'en fait, ils ont continué sans moi. Donc, il y a toujours un petit côté. Bah, les mecs, voilà, j'ai quand même un peu envie de voir ce que vous faites quand même. Et donc, du coup, forcément, je pense qu'il y avait un petit truc, un petit nœud à l'estomac qui, heureusement, va beaucoup mieux, mais à l'époque. Mais sinon, non. Franchement, ça va. Si de temps en temps, je me prends une volée de bois vert de gens qui trouvent ça nul, c'est pas très grave, quoi. Ouais. C'est pas très grave. Mais tu dis que tu vas retourner faire des mariages. Exactement. Et ça me va très bien. Ça me va très bien. Je te crois en plus et ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur. je te crois, ouais, je te crois vraiment. Tu pourrais pas, toi, changer de vie un peu comme ça ? Si par exemple, imaginons, tu fais plus que de la littérature après, ça pourrait te suffire ou... Je sais pas du tout. Comme je te dis, moi, je suis un peu une puce qui est lassée par... par les choses, donc j'ai du mal à... Je pense que je m'adapterai, mais j'ai du mal à... Je suis pas aussi... Arrêtez. Comme toi, je suis pas aussi humble que toi, déjà. C'est très drôle pour les gens qui écoutent ce podcast, parce que je suis pas si humble non plus, mais... Attends, le type qui dit « si tout s'arrête, je vais aller couvrir des mariages ». Ouais. Si, mais je pense que t'es honnête en plus, je te crois, tu vois. Ouais. Moi, non, il me faut mon petit confort quand même. D'accord. Mais quand je dis confort, j'ai pas énormément de besoins, mais je pourrais pas faire n'importe quoi parce que, tu vois, je préférerais. J'achète rien, je suis pas une consommatrice de trucs, mais non, je peux pas faire n'importe quoi. Je dis pas que les mariages, c'est n'importe quoi. Non, bien sûr, mais je comprends quand je comprends où tu veux en venir. Je comprends exactement. Ouais. Ouais. Écoute, j'ai une dernier truc dont j'aimerais te parler. Tu as fait du coup, t'as fait un film, donc des vidéos sur YouTube, des livres. J'ai cru comprendre que t'allais faire un spectacle. Ouais, c'est en préparation. Je vais pas te dire juste un pourquoi comme ça lâché dans l'air un peu vénère, mais cette volonté d'aller dans d'autres, c'est pareil, c'est de l'ennui où tu dis non, ça je veux le tester, c'est une envie d'essayer d'autres choses, ou est-ce que tu te dis ah, ça ce que je veux raconter, ça va dans cet art là, dans ce média là, est-ce que des fois tu as des trucs en tête et tu dis ah bah ça c'est plus un spectacle, ça c'est plus un livre, est-ce que c'est des... Non, je pense pas vraiment comme ça, mais il y a vraiment le côté tester le maximum de choses. Je crois que ça manquait la scène, c'est-à-dire ne pas être cadré juste la tête et pouvoir ne pas cutter, pouvoir avoir un moment pas cadré, pas coupé, pas monté, physiquement. Enfin, en gros, c'était une surcharge de virtuel. Et là, j'ai envie de passer à la communion de la présence avec un public. Et après, oui, c'est vrai qu'il y a un côté... peut-être qu'après, qu'est-ce qui reste ? Je vais faire... concert ? Mais en fait, c'est à moitié un concert, là, mon spectacle. C'est un récital intime. D'accord. Donc, il y a des chansons, pas chansons, mais il y a un peu un côté musical. D'accord. Donc, en fait, je me grille deux cartouches en même temps. Un jeu vidéo. Mince. Un jeu vidéo seul, je te parle. Ouais, je sais pas, c'est geek. Si je trouve quelqu'un de geek, je me disais... Mais un disque après, peut-être un disque. Ouais. Mais je suis beaucoup... je suis beaucoup comme ça, je sais pas. Mais le livre, je pense que c'est pas le dernier pour le coup. Le film, je disais, je sais pas, mais le livre, c'est quand même à ma portée parce que ça reste solitaire. Ouais. Faut pas énormément de moyens, faut du temps et de la disponibilité d'esprit. Tu peux rester chez toi. Ouais, qui est un grand tatou. mais oui, ce spectacle, c'est une expérience. Et donc, comme au Frénois, donc, il y a cette institution d'art contemporain qui me cofinance le truc, c'était l'occasion aussi d'en profiter pour faire quelque chose que j'avais jamais fait, puisque l'an dernier, j'ai fait une installation. Oui. Donc, j'ai touché à ça aussi. Oui, l'espace d'exposition, ça me tente aussi. Enfin, là, j'ai un peu touché. Mais Ouais, je crois que en fait, je suis pas une spécialiste dans la vie. Ouais. Je suis plus une touche à tout. Et c'est ça qui me convient dans la temporalité, dans la vitesse d'exécution. J'ai pas d'endurance vraiment, donc je fais les choses intensément, mais sur des temps concentrés, quoi. D'accord. Je pense que c'est pas mal pour finir. Okay. On va juste terminer avec un petit truc que j'ai complètement volé à une émission de radio qui existait déjà. Ouais. Qui n'existe plus. Ça s'appelait Éclectique. Je sais ah pas. Oui. Ah, oh, tu vas me laisser toute seule. Je vais faire ça. J'ai vraiment volé cette idée. Tu le fais avec tout le monde ou... Écoute, t'es la première de ce format-là. Okay, okay. Donc, je vais te laisser une minute. Je vais sortir de mon propre appartement. J'aurai un petit timer iPhone. Ok. Je reviens dans une minute. Si tu veux, tu me dis non, mais c'est bon, tu peux revenir si okay. t'as fini avant. D'accord. Et je te laisse voilà, conclure l'émission. Je reviendrai okay. juste faire un au revoir et okay, c'est tout. Ça marche. Alors, il est en train de sortir. Il a fermé la porte. Je crois que j'ai parlé plus bas que lui durant tout l'entretien. J'ai trop fait ah ouais, d'accord. Quand j'écoute les podcasts, je me dis mais qu'ils arrêtent. Et les grands rires, j'ai fait de trop de grands rires. On va faire le débrief en fait. Il avait l'air non mais je veux pas être vache, mais est-ce qu'il a pris du poids? Non, je sais vache de dire ça. Je pourrais pas lui dire de le couper au montage. Je sais pas, est-ce qu'il va bien? Je pense que s'il avait un chien, il ferait plus, il prendrait l'air. Est-ce qu'il est un peu pâle, mais je suis pâle aussi moi. Mais et qu'est-ce que je pourrais dire? Il m'a fait un thé Earl Grey que j'ai réussi à parfaitement infuser. Il ne faut pas que j'oublie de lui dédicacer son exemplaire de autoportrait en chienne en librairie le 7 mars, publié chez l'Iconoclaste. Vous pouvez... non, mais je vais faire ma promo quand même. Mon film, Solange te parle, est disponible sur iTunes. C'est pas mal de... Alors, je ne sais pas sur Netflix, mais pas mal de plateformes genre Orange et ces trucs-là. Sinon, le DVD est en vente à la... Non, mais je me dégoûte moi-même. Il ne faut pas que je dise ça. Là, je suis dans la situation où ça fait peut-être une minute, j'entends du bruit, où j'ai trop parlé sans respirer bien, donc je suis un peu en hyperventilation dans le cerveau. C'est bon ? Il est revenu. Merci beaucoup. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt. Salut.